en 6 heures. Chers amis, bonjour, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible sur France Culture, votre réveil culturel. Au programme, notre série avec Marie-Hélène Fraissé, les premières rencontres avec les Indiens d'Amérique du Nord qui continue, dans un instant le 4e épisode. Et puis en deuxième partie, et son histoire a un lien avec la série de cette semaine, Denis Arcand, qui nous vient du Québec et qui vient en France pour une exposition. On en parle tout à l'heure aux alentours de 6h15. Mais tout d'abord... Indien d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes. Avec Marie-Hélène Fraissé, que vous connaissez très bien, productrice à France Culture, journaliste, spécialiste de l'Amérique, et qui vient de sortir chez Albin Michel des chroniques des sauvages de l'Amérique du Nord, l'imponçable rencontre. Bonjour Marie-Hélène Fraissé. Bonjour Toufik, sauvage est entre guillemets. Bien sûr. Alors justement, parlons de ces contrées sauvages entre guillemets qu'on va rencontrer quand on va décider de traverser le continent. C'est très tardif, hein. On a commencé la série au début du XVIe siècle, et là on est au début du XIXe, et on n'a toujours pas traversé le continent. Hein. Donc, et on s'est représenté ce continent de manière assez fantasmatique. Au début c'était une île. Hein, au début on espérait que ça irait très très vite, vite on traverse et on va vite en Chine. Et voilà que plus on avance et plus la mer tarde à appartenir, et puis in fine on va s'apercevoir qu'il y a une immense chaîne de montagnes qu'il faut, puisque les rocheuses barrent tout l'horizon. Donc voilà, alors ce continent est à première vue au fond une immense déception, puisqu'il est là et qui gêne, quoi. Alors, chemin faisant, quand on en arrive à la fin du 18e, début du 19e, on sait qu'il y a peut-être autre chose à y faire que ressentir de la frustration. Hein, parce que déjà, les colonies sont bien implantées et il y a eu des grandes réussites déjà en Amérique du Nord pour les Blancs. Alors, comment ça commence, cette traversée du continent ? C'est un vieux projet, mais qui va être finalisé. Et non pas par Lewis et Clark, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, mais par un Canadien qui s'appelle Alexandre Mackenzie. C'est amusant comme on déforme l'histoire. La première traversée du continent est faite par un responsable de la Northwest Company, donc un traiteur de fourrure, un commerçant en fourrure, qui va mener une incroyable expédition depuis donc, Montréal jusqu'à la rive du Pacifique. Alors, ça ne se passe pas en 2 mois. Il va de poste en poste. Donc là, on est au nord du continent. On est dans le domaine donc, canadien, anglais. On est en 1793. Et Mackenzie s'avance. Et cet homme raconte cette expédition en des termes qui sont assez humains. C'est-à-dire que lui... cherche à conquérir de nouveaux postes d'échange de fourrure. Donc, il n'y a pas un projet extrêmement abusif. Il y a juste l'idée de contacter de nouvelles populations pour agrandir son réseau de commerce. Et dans ce réseau de commerce, l'Amérindien est partenaire, c'est le prestataire, c'est celui qui va chasser la fourrure et qui la rapporte en échange d'objets européens dans les postes qui sont disséminés là tout au nord. Mais ce qui est très différent des autres écrits de ces premières rencontres, Marie-Hélène Fraissé, et j'espère que je ne me trompe pas, c'est que cette fois-ci, il n'a pas de commanditaire, il tient son journal, Mackenzie. Il tient son journal, il a un commanditaire qui est le responsable de la compagnie du Nord-Ouest, mais il tient un journal effectivement qui sera publié. Et comme toujours, c'est assez amusant parce qu'on voit une certaine différence entre le carnet de route et le journal publié. Parfois, il y a un petit peu de censure. Alors, il y a un aspect, par exemple, qui m'amuse toujours, c'est que ces traiteurs de fourrures, ces commerçants, se voyaient souvent proposer des femmes. Alors, bien souvent, ils acceptaient ces propositions puisque en terre amérindienne, on estimait que une femme était un gage de lien approfondi avec l'étranger si elle se liait avec lui et si elle faisait des enfants. Alors Mackenzie arrive, il est passé déjà de l'autre côté des Rocheuses, donc il est très content. Ça a été très compliqué parce qu'il a eu beaucoup de mal à trouver son chemin dans les Rocheuses. Et il arrive et il dit « Lorsque je me fus retiré dans la cabane, là il se trouve chez les Bellacoula. » Donc il est déjà de l'autre côté de la ligne de partage des eaux. « Lorsque je me fus retiré dans la cabane où je devais coucher, le chef vint me trouver pour m'engager d'aller partager le lit de sa compagne, tandis que lui coucherait dans le mien. Malgré toutes ses sollicitations, je n'acceptais pas son offre hospitalière. » C'est ce qu'on dit. Mmh. Mais la vérité, c'est que il y a eu beaucoup de petits Indiens métis qui sont nés de ces rencontres. Mackenzie, qui est un homme assez prude, prétend n'avoir pas accepté cette offre. D'ailleurs, ce qui souvent les mettait en difficulté, parce que c'était considéré comme un affront de refuser ce type de proposition. C'était une culture, donc. Oui, alors il y avait des codes sexuels qui étaient différents des nôtres, parce que en même temps, la jalousie existait, l'amour existait, l'attachement exclusif à une personne, mais les codes de la conjugalité étaient très, très différents, d'ailleurs, d'une tribu à l'autre. Mais Mackenzie dialogue avec ces Amérindiens. Oui. Donc il apprend la langue, il apprend aussi les coutumes. Bah déjà, il est flanqué de guides qui sont des guides cris, qui sont les cris. C'est une grande nation du Nord-Ouest et du Nord et du Nord-Est aussi. C'est, ça couvre vraiment le Grand Nord canadien. Et les cris sont de ces guides. Et sans avoir eux-mêmes franchi les montagnes rocheuses, de fil en aiguille, ils sont en contact avec la plupart des populations qui troquent. Il y a des réseaux de commerce extrêmement élaborés à travers tout le continent. Donc de proche en proche, les objets voyagent, y compris les objets européens. C'est-à-dire que bien souvent, quand les Européens arrivent très loin en terre, entre guillemets, inconnue, ils trouvent des objets européens. Mais ce n'est pas forcément qu'ils ont été précédés par d'autres traiteurs de fourrures ou explorateurs. C'est souvent que les Indiens, entre eux, ont fait l'échange de ces objets. Par les voies du commerce traditionnel. Avec notamment ces pêcheurs qui étaient sans doute les premiers à découvrir l'Amérique. Mais ça n'empêche pas Mackenzie, dans ses écrits, de parler de sauvages. Oui, mais ça, c'est le terme qu'on utilisait jusqu'à tout récemment, puisque moi, je l'ai entendu encore à la fin des années 70 au Québec. Il me dit « Ah, tu vas interviewer la sauvagesse ». Sauvagesse, voilà, c'est un terme. Et c'est un terme qui signifie étymologiquement « habitant de la sylve ». Habitants des forêts. Donc, ce n'est pas toujours utilisé de manière péjorative. Qui sont les nez percés ? Ben, les nez percés font partie de ces Indiens que vont rencontrer, alors non pas Mackenzie, parce qu'il est trop au nord, mais ceux qui vont faire la traversée officielle, plus au sud, les fameux Lewis et Clark. Et ça, c'est une histoire qui est mieux connue que celle de Mackenzie, parce que il y a eu un bicentenaire qui s'est déroulé récemment, puisque c'est une expédition qui commence en 1804 et qui se termine en 1806. Alors en 2004, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties aux États-Unis. Et d'ailleurs, on a commencé, mais encore très faiblement, à entendre la parole indienne à ce sujet. Donc Lewis et Clark sont invités par Jefferson à traverser le continent, puisque maintenant l'Amérique qui vient d'acheter la Louisiane à Napoléon est détentrice d'un immense espace et on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a quelques traiteurs de fourrure français, justement, qui savent à peu près ce qui se passe. Donc Jefferson envoie Lewis et Clark en disant « Allez regarder tout ça » et allez surtout dire aux chefs indiens, aux populations indiennes, que désormais, elles sont américaines, états-uniennes. Évidemment, ils partent avec des médailles, des objets, des gages d'allégeance auxquels les Indiens ne comprendront pas toujours quelque chose et il y aura même des malentendus. Ils ne comprendront notamment pas toujours qu'ils font allégeance, ils sont chez eux. Donc, ils ne comprennent pas que cet étranger est en train de leur expliquer que désormais, ils ont quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Et c'est le début de la guerre, ou le début d'une série de guerres. C'est la conquête, cette fois-ci, du territoire. Oui, alors les guerres ont quand même commencé plus à l'est, puisque les spoliations ont eu lieu. On évoquait dans la première émission Jamestown. On est en 1607, et tout de suite, il y a des guerres spolier, de possession. Spolier, il y a des spoliations déjà, je veux dire. Non, mais spolier des Indiens, les Amérindiens, pour ramener leur richesse en Europe, c'est une chose, mais s'installer dans ce territoire et faire de ce territoire son propre territoire, c'est déjà autre chose, non ? On est passé. Non, c'est exactement le même processus, c'est-à-dire, c'est la mission, la destinée manifeste. Le terme va émerger au 19e siècle, mais le concept lui-même, mais déjà dans les têtes, c'est la destinée manifeste de l'Europe, de l'Européen et du chrétien qui est vouée à conquérir. Enfin, c'est ce qu'on lit de manière très crue et quand même assez terrible enfin, dans ces textes, c'est-à-dire que le doute est rarement formulé, destinée manifeste. Donc, Lewis et Clark partent à la demande de Jefferson, donc faire entrer toutes ces populations indiennes dans le cadre des jeunes États-Unis. Alors, cette traversée du continent, vous-même, vous l'avez faite Marie-Hélène Fraissé, et cette histoire de cette première traversée, de la conquête de l'Amérique, des premiers contacts avec les Amérindiens, c'est une histoire à une seule voix, puisque... parce qu'on n'a pas... On a peu de chroniques indiennes, trop peu. Quand vous dites trop peu, ça veut dire qu'on en a quand même. On aimerait avoir l'autre histoire, et on en a par la tradition orale, puisque dans ces peuples de tradition orale, beaucoup de gens ont développé des moyens mnémotechniques. On écoute les anciens. Et d'ailleurs, on a retrouvé, en questionnant la tradition orale amérindienne, parfois des informations qui dataient de plusieurs siècles. Il y a eu transmission d'éléments d'information sur justement ces premières rencontres. Et d'ailleurs, parfois, on a pu un peu reconstituer la vérité, parce que sur certains échanges violents, les Indiens n'avaient pas la même version que les Européens. Donc, la tradition indienne existe, elle est parcellaire, elle est évidemment remaniée par la transmission de personne à personne, mais elle est émouvante et un certain nombre d'anthropologues se sont attelés à cette tâche gigantesque d'aller récolter ce qui restait dans ces populations qui ont été si malmenées, si maltraitées, si déplacées, ce qui pouvait bien rester d'une vraie mémoire collective de la première rencontre. Marie-Hélène Fraissé, donc je ne vous présente pas Marie-Hélène Fraissé, elle est très connue sur cette antenne, elle anime tous les mardis Tout un monde, mais je voudrais juste vous signaler son dernier ouvrage, édité par Albin Michel, L'impensable rencontre, justement ces chroniques des sauvages, entre guillemets, de l'Amérique du Nord. Notre série se termine demain avec un épisode qui n'est pas très connu, c'est l'épisode de la conquête de l'Alaska. À demain Marie-Hélène Fraissé. À demain Toufik. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles. Would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true. Why don't you put an end? this. That it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. It's crystal clear. I wasn't here. I'm not a part of this. I'm not a part of this. I'm not a part of this. I'm not a part of this. I'm not a part of this. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et l'invité culturel est Denis Arcan. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour. On va pas parler de cinéma. Tant mieux. Bah, mais pourquoi tant mieux? Parce que ça change. Quand je change de métier, c'est pour me reposer justement du cinéma. Alors, en ce moment, au Centre culturel canadien de Paris, il y a une exposition qui est un hommage à Rodin. Alors, ça tombe bien parce que vous n'êtes pas loin du musée de Rodin et vous rendez hommage à Rodin avec cette installation qui s'appelle « Les bourgeois de Vancouver ». On devine pourquoi « Les bourgeois ». Et c'est une installation que vous co-signez avec Haddad Anna. Voilà. C'est quoi l'histoire ? Alors, l'histoire est la suivante. Haddad Anna, qui est un jeune photographe et vidéaste canadien-anglais, est très, très, comment on dit ça, interpellé par Rodin. Il a toujours été, il a fait des tas d'œuvres qui sont comme des commentaires de l'œuvre de Rodin. Et il est de Vancouver, lui? Il est d'un peu partout. Il est né aux États-Unis, il a vécu à Montréal et maintenant il habite Vancouver. Parce que sa femme est coréenne et Vancouver, c'est une ville presque asiatique. Chose qu'on ne sait peut-être pas ici, mais c'est rempli de Chinois, d'immigrants coréens, etc. et tout, parce que ça fait partie de la côte pacifique, si vous voulez. Et donc, lui, il est très, très, très intéressé par Rodin. Et là, il me disait, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble sur les bourgeois de Calais. Je veux absolument faire comme une sorte de commentaire sur les bourgeois de Calais. Alors, on a discuté longtemps et on a établi une sorte de scénario fou où on s'est dit, voilà, il y a un artiste conceptuel de Vancouver qui décide de faire une installation des bourgeois de Calais, mais jouée par des gens de Vancouver qui arrivent tous les matins en costume et qui prennent au centre-ville, ils se mettent debout sur un socle et ils passent la journée à ne pas bouger et à être les bourgeois de Vancouver. Et là, on a commencé à s'intéresser aux gens qui feraient ça. Parce qu'un truc, moi, qui m'étonne toujours, c'est les gens, les obscurs de l'art. L'art, pour exister, il a besoin des tas de mains obscures qu'on ne connaît pas, comme les gens qui ont fondu le bronze des statues de Rodin, les modèles qui viennent dans les ateliers des peintres. Plein de gens comme ça, les gens qui fabriquent les tubes de peinture, les gens qui tissent les toiles où on peut s'exprimer, etc. Donc, on a commencé à s'intéresser à ces personnages-là. Qui vient modeler Rodin à Vancouver cette année. Et donc, c'est aussi une sorte de portrait de la ville de Vancouver, une sorte de portrait sociologique de qui sont ces gens-là, pourquoi ils font ça. Donc, c'est un portrait socio-économique. Il y a des gens qui ont été mis dehors, le capitalisme sauvage a fait fermer leur usine. Il y a 1000 choses comme ça qui se sont produites, qui font que ces gens-là, un peu paumés, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, sont tous là et viennent, pendant une journée entière, faire les bourgeois de Vancouver. Et donc, c'est une exposition qui comporte 6 écrans, parce qu'il y a 6 personnages dans les bourgeois de Calais. Et donc, les 6 écrans racontent l'histoire de chacun de ces personnages-là. C'est incroyable. Derrière l'hommage à l'artiste, en fait, compte, c'est la condition des artisans. Ouais, la condition des artisans. Puis c'est aussi un hommage à Rodin, parce que c'est d'une beauté spectaculaire. Et de temps en temps, on revoit l'original dans ça. De temps en temps, on voit les personnages et on voit l'original qu'on a tourné ici au Musée Rodin, dans la cour. Alors, cette installation, cette exposition, comment vous l'appelez d'ailleurs, Denis Arcand? Les bourgeois de Vancouver. Oui, non, mais vous dites plutôt installation, exposition. Oui, c'est comme vous voulez. Happening. Installation, happening. Moi, j'appelle ça quoi? Un show multi-écran. Ce show multi-écran, est-ce qu'il change au fur et à mesure qu'il voyage? Pour l'instant, non, parce que la première, c'est maintenant, enfin, c'est demain soir à Paris, et peut-être qu'on modifiera, parce que la première fois qu'on le voyait, et on l'a installé, on a mis à peu près les écrans comme on les voulait, etc., et après, il s'en va à Montréal au mois de mai, et après aux États-Unis plus tard. Donc, c'est possible qu'il change un peu. Je crois pas que les images même changent, mais la façon dont les écrans sont disposés, dont la façon dont on a traité le son, parce que chacun de ces écrans-là a son son à lui. Donc les bourgeois de Vancouver resteront toujours de Vancouver. Ah ça c'est sûr, non ça va pas changer. Non, l'œuvre demeure telle quelle, mais sa présentation risque d'être modifiée au cours des années prochaines, si vous voulez. Denis Arcand, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure de d'art contemporain? Le talent d'Adana, c'est l'originalité du projet, c'est votre amour de Rodin, c'est votre intérêt pour cette installation qui rend hommage aux artisans à travers l'artiste. C'est tout ça à la fois. Adana, c'est quelqu'un que je suivais quand il a débuté à Montréal. Je fréquentais la galerie où il exposait ses œuvres, beaucoup, beaucoup d'œuvres photographiques d'ailleurs. Et ça m'intéressait, je trouvais ça bien, etc. Et un jour, à cette galerie-là, on s'est rencontrés. Et on a vite sympathisé, on a parlé de cinéma, on a parlé de photos, d'art, etc. Et un jour, il y a 2 ou 3 ans, le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous a offert une salle pour qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a fait un truc multi-écran encore, avant celui-ci. Mmh. Et ça a été bien reçu, les gens ont trouvé ça intéressant, etc. Et dès qu'on a terminé celui-là, on s'est dit, bon, il faudra recommencer. Et c'est là qu'Adad s'est mis à me parler des bourgeois de Calais. Alors, il y a ça. Travailler avec des gens beaucoup plus jeunes. Je suis un homme âgé et Adad est beaucoup plus jeune et donc il est entouré d'une équipe très jeune. Donc il y a quelque chose et on a des budgets insignifiants par rapport à ce que au budget dont je profite au cinéma. Ouais. Donc on tourne avec des plus petites caméras, on tourne un peu comme de la guérilla, très simple, avec en demandant pas la permission à personne, en tournant sur la rue, caméra à la main, tout ça. Et c'est extrêmement rafraîchissant de faire ça, de briser les moules. Parce que bon, quand je fais des films habituels, là, des films de fiction, je veux dire, il y a une façon de faire que j'ai établie depuis longtemps, et puis bon, qui vient avec un certain nombre de personnes, avec des ouvriers syndiqués, avec des techniciens, avec d'énormes camions qui sortent de l'éclairage. Enfin, vous avez déjà vu des tournages, je vous fais pas... Oh non, mais je préfère rester sur le souvenir de vos films. Oui, ben d'accord, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous connaissez tout l'appareil qui va derrière ces films-là. Et là, tout d'un coup, de se retrouver comme j'étais à 20 ans, quand j'ai fait mes premiers films, presque en amateur, si vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinairement rafraîchissant, d'extraordinairement souple aussi, de dire « Ah ben tiens, on tourne pas là, on va tourner de l'autre côté. » Et puis, ça pose pas de problème parce qu'on est 4, donc ça va bien et tout ça. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait de... Le cinéma a maintenant une tyrannie du box-office qui est extrêmement fatigante. Vous le savez, les cinéastes français le savent encore plus que moi, la tyrannie du mercredi midi de la première séance. C'est complètement assommant, ça tue des carrières, ça finit par... Mais vous, vous êtes épargné, Denis Arcand, vous êtes le réalisateur montréalais, québécois, le plus connu dans le monde, donc ça vous épargne, non? Ça reste là quand même un peu. Il y a toujours cette espèce d'obligation de réussir, cette obligation de faire des entrées. Puis si vous ne faites pas autant d'entrées que la fois précédente, les gens disent « Oh, ça doit être moins bon. Je crois que c'est un film un peu raté, parce que ça a fait moins que la fois d'avant, etc. » Ça existe un peu, ça. Et le fait de sortir de ça pour tout d'un coup aller travailler dans une galerie d'art où personne ne se soucie de vendre des billets ou de savoir combien il y avait de gens samedi soir, etc. Moi, en tout cas, ça me change, et aussi ça change d'avoir affaire à des directeurs de musées plutôt qu'à des distributeurs de films. Voilà, c'est dit. Denis Arcand, est-ce que d'autres milieux vous attirent, vous, le cinéaste? Oui, je fais la mise en place d'un opéra maintenant à Montréal. Un opéra? Un opéra, oui. D'accord. Un opéra obscur du 18e siècle. Et ça aussi, je trouve ça absolument fabuleux. Je travaille avec des jeunes chanteurs de l'atelier de l'Opéra de Montréal. Donc, ils ont entre 20 et 25 ans, ils n'ont pas pris encore tous les défauts des chanteurs d'opéra. Donc, on peut les modeler un peu comme on veut. Et la musique est extraordinaire. C'est très, très beau. Et ça aussi, ça me change beaucoup. Ceci dit, j'adore le cinéma et je vais y revenir. Mais entre-temps, ça fait comme une vacance, si vous voulez. Une vacance pas entièrement stupide. Une vacance studieuse et culturelle, si vous voulez. Un peu chic, quand même, pour ne pas dire snob. Comment non, pas du tout. Non, mais vous m'auriez dit, Denis Arcand, « Oh, cette fois-ci, j'en ai marre de faire du cinéma. J'ai envie de toucher un plus grand public en passant aux séries, puisque les séries américaines et canadiennes ont un grand succès. » J'aurais dit « Tiens, c'est bien, il change un peu. » Mais là, apparemment, atteindre le grand public, ce n'est plus votre objectif, on a l'impression. C'est juste. Vous avez raison. Ça ne me préoccupe plus. Je l'ai atteint, le grand public. Je l'ai fait deux ou trois fois dans ma vie. Vous ne voulez pas que je continue? Je l'ai fait une fois, ou deux, ou trois. Bon, eh bien, c'est fait. Je n'ai pas envie de recommencer tout le temps. C'est comme si vous demandiez tout le temps à je ne sais pas qui, à Laure Manadou, de renager tout le temps. Il faut que vous renagiez. Okay, non, quel drôle d'exemple. Je l'ai déjà fait. Mais vous n'avez pas fait votre série télé? Aussi, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux au Canada avant que vous me connaissiez. Dans les années 60-76, j'en ai fait une autre en 81. Une en anglais, une en français, qui ont connu beaucoup de succès. Oh, ben, il faut absolument les distribuer maintenant. Oui, je sais pas si elles seraient toujours d'actualité, mais c'est possible. Mais je les ai faites à ce moment-là. Et les séries dont vous parlez, là, c'est les séries américaines pointues. Oui. Et ça, les conditions de production au Canada ne sont pas réunies pour ça en ce moment. Si c'était le cas, probablement que je serais très intéressé à en faire, parce que c'est formidable ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Les petits réseaux américains qui proposent Breaking Bad, Mad Men, The Wire et tout ça, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas ça pour le moment au Canada. Merci d'être passé pour nous parler des bourgeois de Vancouver en compagnie d'Adad Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Pour réécouter cette interview de Denis Arcand, vous connaissez le principe, Internet, franceculture.fr, et après vous vous laissez guider jusqu'à la page de l'émission « Un autre jour est possible », émission réalisée comme tous les jours par Thomas Duterte. On se retrouve demain, bonne matinée.